La ville respire au rythme des lumières. Red Eskil glisse, silhouette qui éclaire. Vice City brûle sous des ciels roses et gris. Chaque rue cache un plan, chaque regard un pari. Les ombres tendent sur les façades éclatées. Les deals se trament, chaque mouvement calculé. Red Eskil avance, regard froid, poing serré. Dans ce luxe toxique, chaque souffle est payé. Les néons caressent la peau des passants. Red Eskil observe, précis, élégant. Une fumée s'élève, parfum de danger. La sensualité frappe, le crime et son balai. Red Eskil règne dans la chaleur urbaine. Pas de faute, chaque plan devient réel. Vichelle s'étende, riche et cruel. Chaque victoire éclaire, chaque défaite en sorcelle. La ville est son terrain. Red Eskil frappe précis, aucun témoin. Allié fidèle et l'ennemi éliminé. Dans chaque coin sombre, son nom est gravé. Le parfum de l'interdit flotte dans la nuit. Red Eskil sourit, aucun bruit ne fuit. La ville danse sous son contrôle total. Chaque mouvement écrit un destin brutal. Dans la chaleur urbaine, pas de faute, chaque plan devient reine. Vichelle s'étende, riche et cruelle. Chaque victoire éclaire, chaque défaite en sorcelle. Red Eskil disparaît dans les néons. La vie respire, intacte et glacée. Vichelle marque l'ombre.